en direct du chalet. Avec Knuckles. Bonsoir, je suis Knuckles et je suis seul. Pour le moment. Aujourd'hui est un podcast spécial filles, mais je suis venu un petit peu en avance pour leur faire une petite surprise dès qu'elles arrivent. Je ne vous en dis pas plus, vous le saurez, à leur réaction sûrement mythique, je le préviens d'avance. Ils devraient arriver d'ici peu. Ah, on peut arriver. Bonjour. Un problème, Amy? Il y a un problème? Elle avait hâte d'arriver ici, et moi aussi. Knuckles, puis-je demander pourquoi tu es habillée de cette façon? Ben quoi, elle est pas jolie ma robe? Il fallait bien que je me prépare pour cette spéciale fille quand même. Mais oh mon dieu. Alors ça mérite une photo, mon pelle. J'aurais pu rajouter du rembourrage, mais je suis très attirante sans. Et voilà. Non, c'est un voyage. Je proteste. C'est un podcast spécial fille. Qu'est-ce que tu fais là? Alors, Amy, rappelle-moi le nom du podcast. En direct du chalet avec Knuckles. Si on enlève Knuckles, ce n'est plus podcast, je d'accord? Je suis toujours en train de vouloir se mettre en avant, même quand ça ne le concerne pas. D'accord, je l'accorde, c'est son podcast. Il a le droit de faire ce sujet, techniquement. Merci, Blaze. D'ailleurs, ça enregistre. Quoi, ça enregistre? Donc, bonjour à tous. Je le redis, je suis Knuckles. Et bienvenue en direct du chalet spécial fille. Donc, je suis aujourd'hui avec... Donc, vous les avez entendus, Amy. Salut, salut. Blaze. Salutations. Rouge. Salut. Et Cream. Bonjour. Notre joyeuse bande de Lurons, et non pas de Lurons cette fois. Quand même, mais elle a dit qu'elle préférait pas. Elle a dit qu'elle avait sa campagne présidentielle à faire. Je sais pas si elle viendra, mais voilà. Vous aurez des nouvelles sûrement le mois prochain. Teaser. Oui, certainement. Elle fait beaucoup parler d'elle en ce moment. Bon, si tout le monde est prêt, je pense qu'on peut enchaîner tout de suite. Tu peux arrêter de prendre cette voix bizarre. Et tu ne nous sais rien. Eh bien, on peut tout de suite commencer avec le premier sujet, une grande annonce. Oh. Il y a du nouveau. Du nouveau pour les vidéos. On a enfin trouvé notre graphiste. Eh oui. Oh oui. Voilà. Un petit message pour notre cher Yuri. Bisous Yuri, et merci pour tes incroyables dessins. Merci, chérie. Elle m'a rendu incroyablement plus sexy que d'habitude. Oui. Toi, sexy. C'est vrai que ses dessins sont particulièrement bien faits. Ah oui, j'adore les dessins. Oui. J'en profite. Je voudrais faire passer un petit message à la communauté. Il s'avère justement que Yuri ne va pas très bien en ce moment, donc je voudrais juste... Je vais pas donner de détails, hein, ça concerne la vie IRL, mais j'aimerais que vous lui donniez tous, s'il vous plaît, beaucoup de soutien dans les commentaires. Elle en a vraiment besoin. Voilà, juste du soutien, de la gentillesse. Merci, Amy. Merci, c'est voilà. Bien de le préciser. Mettez-lui un petit message d'amour, elle le mérite voilà. Amplement. Des j'aime, de l'amour, du partage, voilà. Partagez. Voilà, merci. Cliquez. Mais cette fois, ce n'est pas pour moi. Il le fera très bien en affiche. Eh oui. Mais ce n'est pas la seule nouveauté. Je pense que vous l'avez remarqué, la voix de votre très cher favori Shadow a quelque peu changé. On ne va pas nous attarder sur les détails, mais disons qu'il a mué. Voilà. On ne va pas s'attarder sur les détails parce que ça concerne vraiment les choses en interne, mais on ne veut aucun commentaire, s'il vous plaît. Sachez juste que la voix de Shadow, ce n'est plus la même. Pour la sécurité de tous, s'il vous plaît, prenez cette information telle qu'elle est et ne posez pas de questions. Merci, Amy. Du coup, avec le départ de l'acteur de Shadow, on a aussi Eggman, qui n'est pas de la partie. Pour mon plus grand plaisir, j'en profite. C'est vrai que... Ah, c'est le premier podcast où il n'est pas là, c'est vrai. Mais il reviendra. Oui. Un jour. Mais il reviendra. Malheureusement. Ceci étant dit, on peut enchaîner sur le prochain sujet. Qui a vu ma série qui est enfin sortie? Ah, ça y est, il peut flex. un bonheur pour les yeux. Alors, Flex, c'est vite dit. Bon. Il paraît que tu l'attendais quand même énormément. Je l'attendais énormément, mais il y a un mais. Partie spoiler. Pour l'instant, on va la, comment dire, la juger, entre guillemets, sans spoiler. Si vous J'aurais voulez bien. J'aurais aimé voir Madame Rouge. Moi. On aurait tous aimé voir Madame Rouge. Moi, dans ta série. La série est marrante. On peut dire ce qu'on veut, c'est marrant. Voilà. C'est fini pour le positif. Alors, je rigole. Est-ce que c'est le même type d'humour qui se dégage des films? Je dirais que c'est beaucoup plus absurde. Notamment disons pour que ça fait la suite de ce cheminement. Notamment pour l'épisode 4 de mémoire, détaillé en partie spoiler, mais qui vraiment part dans un délire. Mais moi, j'imaginais pas qu'on pouvait faire ça pour une série centrée sur, normalement, moi. Moi. Sinon, qu'est-ce que je peux dire en hors spoiler? La série n'est pas vraiment centrée à 100% sur moi. Elle est surtout sur mon ami Wade et son tournoi de bowling. Comme on l'a vu dans les trailers, c'est pas du spoiler. C'est dans les trailers. Point général, est-ce que le scénario tient la route? Est-ce que les acteurs jouent bien leur rôle? Disons que ça suit assez bien mon lore. Malgré un petit détail un petit peu bizarre, mais c'est aussi en spoiler parce que c'est assez spécial. Et ça, c'est aussi dans l'épisode 4. Très, très, très spécial, c'est l'épisode 4. L'épisode 4, l'épisode qui a traumatisé tout le monde. Qu'est-ce qui se passe déjà? Alors, sauf si vous avez quelque chose à dire en hors-spoiler, on peut passer en partie spoiler. Comment on peut commencer la partie spoiler? Okay, si jamais vous voulez pas passer à le spoiler, vous avez qu'à avancer au timecode qui sera affiché dans la description. Jingle spoiler. Spoilers. Ok, bon, partie spoiler. Pour l'épisode 4, une comédie musicale. C'est un petit peu spécial pour expliquer un peu mon histoire. D'accord. Oui, parce que en gros, Wade est capturé par un motard random avec qui il était avant dans une équipe de bowling. Il a capturé dans une cage électrifiée et tout, il tombe dans les pommes. Et Pachacamac, du coup, qui sert aussi de subconscient un peu... Bref, je ne saurais pas expliquer. Mais il est pas censé être mort, lui. C'est un peu comme Tikal à Master Emerald. Tant que son esprit est là, il est là. Comme dirait un grand youtubeur, ta gueule, c'est magique. Bref. Et du coup, Pachacamac se sert d'une comédie musicale pour expliquer mon histoire et du coup l'histoire de la fin de mon peuple à Wade. Wade qui joue mon rôle. Qui le joue très bien d'ailleurs. Hein. Il est incroyablement beau gosse dans son petit costume. Ah, c'est comme dans Elie Wade, mon Dieu. D'ailleurs, il y a un div qui me tue de rire où on voit ce qui est censé être mon père en marionnette qui décède. J'ai hâte de voir les cosplayers dans les conventions papier comme ça. Ce que je disais tout à l'heure que je trouvais bizarre, c'est qu'il y a Iblis. Alors, apparemment, j'aurais éveillé mon pouvoir, donc les flammes du désastre, qui n'est même pas mon pouvoir de base, en affrontant Iblis. Pardon ? Bon, vu la marionnette qu'ils ont utilisée, c'est un mélange d'Iblis, de Chaos et de Black Doom. Voilà, mais canoniquement, c'est Iblis. Depuis quand tu es censé rencontrer Iblis ? Ben, on est d'accord, Blaze, c'est toi qui le rencontres avec Tranquille du Futur. C'est un personnage qui, au début, vient du moment où je suis avec Silver dans le futur. En aucun moment, toi-même, tu n'entres en contact avec Iblis. Bah là, ils ont tout changé, ils ont fait en sorte que c'est moi qui... Un canon énorme. Je pense que c'est pour mieux introduire Silver en changeant son lore de façon cohérente, parce que c'est sûr et certain... qui vont pas nous remettre tous les défauts de Sonic 2006, donc Elise, Iblis, etc. Donc fallait bien qu'ils changent un truc. Après, bon, tu as dit zone spoiler. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas les spoilers, même si je n'ai pas vu la série, mais les spoilers ne me dérangent pas. Mais je suis d'accord avec Blaze, la façon dont on en parle, ça vient un petit peu de manière aléatoire, je veux dire. Oui, c'est vachement bizarre. Est-ce qu'on en reparle plus tard dans la série? Est-ce que ça a une quelconque importance? Est-ce que ça a une quelconque vraie importance dans le scénario? Ça... Comment dire? Ça tease le fait que mon pouvoir final, c'est les flammes du désastre, donc j'ai les poings en feu, quoi. Et c'est canoniquement appelé les flammes du désastre, donc comme les flammes du désastre d'Iblis et tout, bref. D'accord, j'ai... C'est spécial, mais c'est une façon de faire. Oui, en effet. À un moment, j'ai cru que tu étais un Pokémon et que t'allais utiliser Point de Feu. Oh non, Tails a contaminé en plus avec les Pokémon. Alors, Tails, on t'avait dit de ne pas faire jouer Rouge à Pokémon tout de suite. On m'a d'abord demandé explicitement dans le dernier podcast. D'ailleurs, je vais passer ça. J'ai eu un commentaire sur le dernier podcast. On m'a demandé d'abord de faire regarder Dragon Ball à Rouge. Merci. Merci pour le commentaire. Et c'est d'ailleurs cette même personne, cette même personne qui a introduit l'idée du podcast entre filles. Donc je remercie cette personne dont j'ai oublié le pseudo. Mais vu que sur ce même commentaire il y a ce qu'on fait tout de suite et l'idée de faire regarder Dragon Ball à Rouge, je te remercie énormément. Je t'en dois beaucoup. Et elle est d'accord. Merci. Oui. Je ne dis pas non à la découverte. Let's go! On parlera de, je pense, de cette découverte plus tard. Mais pour l'instant, on va continuer sur la série. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Bref. Ça va y arriver, monsieur Nugget. Oui. Qu'est-ce que je disais? Oui, la comédie musicale, tout ça, tout ça. Bref. Sinon, il y a. Il y a un autre. Épisode, pardon. Oui, oui, non, vas-y, parle, parle. Ça me rappelle des épisodes de... un des derniers épisodes, je crois que c'était la saison 1 de Elouba Boss, où il part dans, il part dans une espèce de délire complètement hallucinogène, où... Because you, my little precious bitch boy, are tripping balls. Ça chantait de partout, mais voilà, c'est ça. Ça a l'air de tellement sortir de nulle part que ça me fait penser à ça. C'est pas la scène où à la tour il essaye de rendre jaloux Lucifer. Non, j'ai dit Elouba Boss. Pas du tout, c'est dans Elouba Boss. C'est quand. T'as Moxie qui a une sorte d'hallucination de Blitz qui fait une comédie musicale. Qui est très. Il a l'air d'être très classe, mais c'est pas le sujet. Cette phrase qui dit me tuera toujours de rire. You, my pleasant little bitch boy, are tripping balls. Bref, je pense qu'on en a assez dit sur l'épisode 4. Oui. Pour mon avis global, la série n'est pas vraiment centrée sur moi, comme j'ai dit, mais bon, ce n'est pas vraiment un défaut en soi. Ça manque d'action, mais c'est très marrant à regarder. Bon, s'il y a de l'action, quand on me voit. Donc la moitié du temps. C'est logique. D'ailleurs, je pense que ça peut en choquer plus d'un qui regarde en VF. Ce n'est plus Manic Bentala qui a donné sa voix à Sonic, mais bel et bien Alexandre Gillet. Alors, chacun a son avis sur la question. Pour ma part, c'est un grand oui, parce que autant j'aime beaucoup Manic Bentala, je respecte ses travaux d'humoriste et tout, mais il n'est pas bon en Sonic, désolé. Donc Alexandre Gillet va très très bien à Sonic version film, donc je suis content qu'il l'ait pris pour cette série, même si c'est que pour le premier épisode. Hein. Personnellement, moi j'avais beaucoup aimé la voix française du premier comédien dans les deux premiers films de Sonic. Je trouvais qu'il faisait vraiment un Sonic trop choupinou. Bah, je la trouvais pas bonne, mais disons qu'on s'y habitue. Après, moi j'ai aimé la nouveauté. Après, peut-être qu'il colle justement mieux à cette image du Sonic vraiment adolescent, où il n'est pas justement encore un héros, où il est encore peut-être très jeune. Peut-être qu'il a justement moins de... Je sais pas s'il a canoniquement 15 ans dans le film ou s'il est un peu plus jeune, mais ça peut coller au contexte. Bah, en parlant d'âge, on peut justifier le changement de voix par aussi le fait que Sonic est vieilli. On le voit. Entre Sonic du premier film et Sonic de cette série, il a grandi, il a pris un peu... Je sais pas si on appelle ça des rides, vu l'âge qu'il a. Mais il y a les marques de son visage qui sont plus prononcées. Il a l'air un peu plus mature dans ses gestes, ta façon de parler et tout. Donc son changement de voix n'est pas vraiment déconnant. Moi, j'ai pas trouvé. Bon, après, chacun a son avis. Évidemment. Oui, bien sûr, chacun a son avis, Crime, exactement. Mais bref, sinon, bon, je peux aussi mentionner, je crois que c'est l'épisode 3. Un dîner de Shabbat avec la mère de Wade et sa sœur, qui était, mais hilarant. J'aurais payé cher pour participer à ce dîner. Mais bref, c'est Knuckles qui fait des maladresses. C'était marrant à regarder. Bref, on va pas trop s'étendre sur le sujet, mais plaisantez pour une fois qui se tient bien à table. C'était très bon d'ailleurs. Les plats de maman Wade sont d'une élégance rare. Carrément. Désolé, Rouge. Meilleur que les bagels de ta chère maman. Pardon ? Tu oses dire que ma mère ne fait pas de bons bagels sucrés au sucre ? Elle fait de très bons bagels sucrés au sucre. Mais à côté des dîners de plat de maman Wade, il y a un monde. Tu sais que ce qu'elle a dans ça, c'est toi qui seras sucré au sucre. On va enchaîner sur le prochain sujet. Knuckles, tu sais que tu es dans un podcast spécial fille. Et que les filles, en général, n'aiment pas quand on les met en colère. On est quatre, tu es tout seul. Exactement. Et tu sais ce qu'on fait, au vilain garçon ? Je mets mon talon sur ta tête. On peut pas faire une coupure pub. Ceci est un emplacement publicitaire vide. Vous pouvez contacter la team sur sonic.maxlefou.com pour devenir sponsor et remplir cet espace. Si vous vous appelez NordVPN ou Lego, ça nous intéresse aussi. Sponsor Lego ! Achète ma merde ! Je tiens à m'excuser auprès de Maman Rouge. Tes bagels sont les meilleurs que j'ai jamais mangé. Aïe, jamais mangé, ma dent. Rouge, tu restes ici. Je pourrais malheureusement plus les manger. Parce que j'ai perdu toute ma gencive. Ne vous approchez pas, s'il vous plaît. Tu mangeras avec des petits morceaux. Voilà, fais ton travail, brave petit. Ok. Oh, le pauvre. Personne ne critique les bagels de ma mère. Je ne voudrais pas être à sa place. Ils sont très bons. Merci. Bon, c'est parti. Où est-ce qu'on en était ? Ah, le trailer apparemment qui sort ce vendredi. Attendez, je vais prendre mon quart de cœur, je reviens. Ça va mieux. Bref, d'après certaines rumeurs que j'ai vues sur... d'après des sources très très... Twitter. D'après Twitter, on devrait avoir un trailer de Sonic 3, le film, pour ce vendredi 17 mai. Oh. Est-ce que ce serait le même trailer qu'on a eu pour la CinemaCon ? Parce que oui, il y a eu un trailer à la CinemaCon il y a quelques semaines. Je ne saurais plus vous dire plus quand. Élaboré, quand même. Alors, pour les descriptions qu'on a eues, c'est quand même très élaboré et on a l'air de partir sur le même trailer point par point, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. Apparemment, d'après d'autres sources, on ne verrait ni Rouge ni Amy. Oh. Dommage. Désolé, Sonic. Alors, Sonic, si tu regardes ce podcast. Mais bref, voilà, on devrait avoir ce même trailer pour ce 17 juin. Normalement, hein, à prendre avec des pincettes parce que ça vient de Twitter. Pardon. 17 mai, pas 17 juin. 17 mai, quoi ? Ça va. Laissez-moi tranquille. Même si, bon, à la base, on devait l'avoir pour le Summer Game Fest dans 2 semaines, je crois. Bon, heureusement qu'on l'a plus tôt. C'est pas plus mal. Et pour continuer sur Shadow. Encore une fois, parce qu'on parle beaucoup de lui ces temps-ci, hein. ça m'énerve un petit peu. Je pense que vous le savez, on est dans l'année de Shadow. Voilà. Bon, à un point où on a eu un grand prix de moto, je crois, où on a eu le départ d'une moto à l'identique de celle de Shadow dans son jeu. Ah, ça doit être... Bravo les motards. Moto qui est très classe d'ailleurs. D'ailleurs, petit aparté. J'ai moi aussi ma moto dans ma série. Je vous fais des doigts. Bref. Une moto que t'as volée, tu veux dire. Je l'ai gagnée. Wade l'a gagnée honnêtement. Dans une joute des plus médiévales et courtoises. Un combat de gladiateurs. Voilà. Merci, Krim. T'as bien résumé le truc. Je cherchais le mot gladiateur. Bref, mais du coup, vous le savez très bien, c'est pas le dernier truc qu'on aura à propos de Shadow. Déjà. Dans le prochain jeu Sonic téléphone qui sortira, Sonic Rumble, je crois, il y a bien sûr Shadow dans les persos principaux. Bon. Il a du travail, le bougre. Le remaster de Sonic Generation, je crois. Dans le remaster, merci Amy, de Sonic... Sonic Generation qui sort cet été. Ce n'est pas seulement Sonic Generation, mais Sonic et Shadow. Oui. Ne cherchez pas Sonic X Shadow tout seul. Précisez Génération. Oui. Sinon, vous allez tomber sur des trucs bizarres. On en parlera. Juste après, teaser. Mais, et bien sûr, en fin d'année, en décembre, comment mieux fêter les fêtes de fin d'année qu'avec Sonic 3 ? Ah, Balden, évidemment. Mmh. Ah, je pense que ça va faire plaisir à Rouge de voir son ami sur le grand écran comme ça. Je pense qu'elle m'a kiffé. Non, j'aurais bien aimé aussi être devant la caméra. Ah bah on sait pas, peut-être pour les postes, pour le post générique. Pourquoi pas. On n'a pas vu. Est-ce que, peut-être qu'ils m'en font des teasers. Je ne sais pas. Alors, je le dis, je le répète et je le crierai sur tous les toits jusqu'à que je sois, jusqu'à qu'on m'ait démenti ou qu'on m'ait donné raison. Pour moi, la scène post-crédit de Sonic 3, ce sera Silver. Point. Je peux avoir tort. Je peux avoir tort, bien sûr. Mais j'ai toujours raison. Bref. Sauf quand il a tort. Exactement, sauf quand il a tort. Ce qui arrive très peu souvent. Bref. Veux-tu qu'on sur parle ce... de 5 minutes plus tôt ? Taisez-vous. Sur ce... On ne parle pas de ça ici. Alors, ce, je regarde ma montre qui n'existe pas. Je n'ai pas de montre, je ne sais pas lire l'heure. Je crois que c'est le moment de la rubrique qui ne m'intéresse pas. Là, on est vraiment sur la rubrique spéciale fille. Parce que c'est un sujet que Amy affectionne tout particulièrement. Rouge peut avoir aussi son grain de sel sur certains petits points. Je demande à Rouge, restons family friendly. Parce qu'on parle d'un sujet assez sensible. Voyons, tu sais bien que je ne m'en porte pas. La Rouge 63 dans le fandom. Alors Rouge, si tu t'emportes, et à vous les projecteurs. Oh, mais c'est moi qui ai le plus d'abonnés sur cette Rouge. Alors, les Rouges 63 dans Sonic et leur manque d'originalité. Je suis désolée, messieurs, dames, mais quand je vois simplement... des personnages avec à peine quelques traits changés pour le gender bending et des noms qui ne sont absolument pas originaux. Prenez Sonic, simplement vous lui rajoutez net, ça fait Sonica. Nope, je ne suis pas d'accord. On est en 2024, il y a des milliers de fanfictions qui existent sur internet. Vous avez largement la capacité de réfléchir et de faire votre propre interprétation de ce que devrait être une Rouge 63. Pour moi, continuez comme ça, vos dessins sont parfaits, ils me plaisent absolument, vous avez su parfaitement utiliser la valeur de mon corps à mon avantage, voilà. Merci. Voilà, changer le sexe, le genre d'un personnage en dessin, c'est facile, mais ça inclut évidemment essayer de lui trouver une personnalité, un minimum. Je veux dire... Alors, Rouge 34... Non, Rouge, je t'avais dit de faire attention, c'est ta faute. Rouge. Je sais que c'est ta faute. Comment ça ? Dis donc, je suis pas une garderie. Donnez-moi la tablette. Petit rappel pour les fouineurs du web. Ne jamais confondre les règles 63 et 34 d'Internet. Il vous est déconseillé d'aller voir ce qu'est la règle 34. Sérieusement, n'allez pas voir. Surtout avec Sonic. Pitié, c'est sérieux. N'allez pas voir. Merci. Alors, après ce petit coup de gueule, je vais tenter de remettre les pendules à l'heure. Pour ceux qui ne savent pas, la Rouge 63 fait partie des nombreuses règles d'Internet qui stipulent que si quelque chose existe, il y a forcément un média, que ce soit un dessin ou quoi, à propos de son genre opposé, si je puis dire. Donc ça inclut également la franchise Sonic, donc Sonic en version fille, Shadow en version fille, moi-même en version garçon tout simplement. Et ce qui m'énerve, encore une fois je le dis, c'est le manque... d'originalité, que ce soit dans les noms des personnages ou dans leur background, parce que personnellement, il m'arrive de lire beaucoup de fanfiction dans mes temps libres, parce que j'aime bien voir le travail des fans, parce que c'est quand même eux aussi qui font vivre une franchise, on est d'accord ? Oui. Je compte pas profiter de cette rubrique pour prendre 10 minutes et donner des conseils ou ce que je pense être juste... Oui, excusez-moi, j'arrive pas à parler. Mais... je voudrais essayer de donner quelques petites indications pour essayer au moins de stimuler un peu cette créativité, cette originalité. Parce que, mine de rien, une Rouge 63, ça reste quand même un autre personnage. Je veux dire, une Rouge 63 de Sonic, par exemple, c'est peut-être une version féminine, mais ça n'est pas exactement Sonic pour autant. Elle peut avoir quelques éléments de vie qui sont différents. Elle peut appréhender ses amis de façon un peu différente. Ce n'est pas original d'en faire juste un copier-coller. Et ça inclut son nom. Genre, je veux dire, Sonic, vous prenez son nom, vous entendez ce que ça veut dire, vous savez ce que ça veut dire. Je suis désolée, rajouter juste une lettre pour en faire Sonica, ce n'est pas original. Ça peut être joli à l'oreille, mais ce n'est pas original. Pour vous donner un exemple, moi, en faisant des recherches, je me suis dit, d'accord, Sonic, c'est un... Déjà, de base, c'est un nom inventé. C'est un mot en rapport avec le son, avec peut-être même la musique. Donc... Moi, j'ai trouvé quelque chose, j'ai décidé d'appeler ma version Rouge 63 de Sonic Echo. parce que Echo est aussi un nom en rapport avec le son, vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est tout à fait vrai. Bah justement, pour donner un autre exemple, je me suis basée du coup sur Sonic et Shadow parce que... Je sais pas pourquoi. Bah non, je me suis basée sur Sonic et Shadow parce que ce sont les premiers les premières personnes auxquelles j'ai pensé. Shadow, c'est pareil. Vous remarquez le nom qu'on a donné à la Roule 63, Shadina. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Je suis d'accord que c'est joli, mais encore une fois, ce n'est pas original, ça ne veut rien dire. Donc, encore une fois, on revient à la base. Shadow, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ombre. On peut tout simplement chercher quel mot veut dire ombre dans d'autres langues, par exemple. Et moi, en faisant mes recherches, j'ai trouvé Umbra. Oui, c'est bien mieux. Voilà. Certes. Techniquement, c'est la même chose, mais dans une autre langue, ça peut... Tout simplement. Les noms dans la communauté Sonic, des fois, c'est pas très recherché, j'ai envie de dire. Oui, en fait, ils prennent tous le mot au pied de la lettre. Ils ne cherchent pas à chercher leur signification et à développer mieux le sujet de façon logique, on va dire ça comme ça. Prenez par exemple un comic assez récent qu'on a sorti avec Maria et justement la Roule 63 de Shadow qui porte une robe, c'est ça? Je me souviens plus de ce qu'elle fait. Alors, en fait, Maria, oui, lui propose de porter une tenue. Et Shadow, enfin, Shadina, ou Shadaria, je ne sais plus, décide du coup de la réarranger avec... il fait de la couture et il l'adapte à son style. Voilà. Donc ça, par exemple, c'est une bonne version de Roule 63. C'est une version féminine de Shadow, mais ça n'est pas Shadow. Cette version, elle est stylée, elle est fière d'elle-même, si je puis dire. Elle est fière d'elle-même de la même façon que Shadow, mais d'une autre manière. Ce que dire, elle peut être à la fois aussi la forme de Viltime, mais on voit aussi qu'elle est très soignée, qu'elle aime bien, qu'elle peut se faire bien voir, tout ça. C'est tout. Je dis pas que c'est tout un art de changer, mais il faut réfléchir à justement... Si tu changes le genre, comment réagit la personne en fait? Je veux dire, une femme ne va pas réagir de la même façon qu'un homme. Pour moi, le parfait exemple, c'est comme Tails et Nine. Bon, ils ne changent pas de sexe, ça reste des garçons. Ça reste toujours des versions différentes d'un même personnage. Tout à fait, qui gardent leur sens dans leurs agissements. Tu vois, j'aime bien Nine. La première chose que... Je déborde un peu du sujet, mais du coup, j'en profite. Justement, Nine, si on réfléchit bien, pourquoi Nine, je pense, parce que c'est en rapport avec, justement, le kitsune ou le renard à neuf queues japonais. Oui. Oui, voilà. J'en ai entendu parler. C'est une mythologie chinoise. Asiatique, plutôt. Parce que chinoise ou japonaise, tout ça. Mais c'est un exemple. C'est une version... Une Roule 63... Prenez ça comme une version parallèle, comme il y a dans Sonic Prime. C'est une dérivation du personnage. Ça peut être le personnage... C'est un personnage qui vit une autre vie, d'autres aventures, qui peut avoir une personnalité relativement similaire, mais qui aura une autre histoire. Ça m'aurait beaucoup aimé. J'aurais beaucoup aimé voir des Roules 63, d'ailleurs, dans Sonic Prime, juste pour voir un cadre différent. C'est vraiment intéressant parce que ça pique toute ma curiosité, justement. Imaginez toutes ces versions que l'on pourrait faire. Rouge en donjon ou gentleman. Oh. J'ai envie de demander à la graphiste de nous dessiner ça. Knuckles en robe, par exemple, regardez. Ah bah, une version Rouge 63 de Knuckles, ouais. Comment je dis En mode amérindienne. Pardon. Oh, en temps vertical. Pardon, hein, mais en temps vertical dans ce cas-là. Ah, oui. Tikal peut être une inspiration pour le style de Knuckles. Non, mais, je suis désolé. Tikal, c'est littéralement mon gender bend, comme tu dis. Ah, c'est pas faux. Comme on y pense. Elle a mes aspects, mais en plus féminin, on va dire. Bon, ah, oui. T'enlèves le côté combatif et un peu vénère et... Surtout mon charisme légendaire, parce qu'elle n'est pas aussi charismatique que moi, mais... Elle charise. Non, mais voilà, ça peut être un exemple. On peut dire alors que Tikal est une roule 63 qui a bien été faite et qui du coup est devenue un personnage canon. Enfin, qui est un personnage canon, mais qui aussi une roule 63 bien exécutée. Voilà. Donc si vous êtes créatif dans tout ce que vous faites, que ce soit dessin ou écriture, un minimum, faites des recherches. C'est très important. Que ce soit pour trouver un nom, c'est pas si facile que ça. On peut y passer beaucoup de temps, mais à la fin, au moins on se dit qu'on aura fait un travail de qualité, selon ce qu'on est capable de faire, mais qui sera toujours original par rapport au reste, quoi. Et c'est moi après à vos crayons. Voilà, exactement, Crime. Oui. Par exemple, Crime, si t'avais un frère lapin, comment tu l'aurais appelé, toi? Moi, je m'appelle Crime. Oui. Parce que c'est ma couleur, je suis couleur beige, un peu crème. Voilà. Qu'est-ce qui serait le contraire de la crème? Chocolat. Son Chao s'appelle pas déjà chocolat? Non, c'est Sonic Rose. Non, je vois que je comprends ce que tu veux oui, dire. Voilà. Oui, voilà. C'est le oui, donc, chocolat oui. Serait déjà pris. Ah oui, mais mais ça reste un exemple, tu vois. Vanille. Non, c'est ma maman Vanille. Caramel. Ah. Caramel. Caramel. Caramel, c'est pas mal. Oui. Oui. On reste dans le thème sucré. Enfin bref. Ouais. J'aurais trouvé chantilly. Parce que alors, justement, attends. La crème, c'est plutôt liquide, là où la chantilly, c'est... Ça oui, mais pour ta colle à la version masculine. J'avais même une autre idée. Vu que Crime est la fille de Vanilla, donc la vanille, avec de la vanille, on peut faire de la crème, mais aussi des gâteaux. Du coup, j'aurais plus appelé cake. Ah, oui, oh mon dieu, combien de temps tu as réfléchi pour trouver ça? Depuis le début du monologue d'Emmy. Étant donné que le nom de Crime est assez simple et vaut que le sucre, la douceur, effectivement, oui, on peut se concentrer sur ce domaine-là concernant justement les sucreries, les gâteaux. Et c'est moins gênant. C'est assez étendu pour donner ce genre de nom. Voilà. Je bafouille. T'inquiète pas. Je pense que là, on leur a donné pas mal d'idées. Voilà. Sinon, je vais encore m'étaler pendant des heures. Je vais en profiter à... Je vais lancer un petit défi dans les commentaires. Enfin, je dis je, mais j'inclus aussi tout le monde qui est là, hein, parce que c'est déjà le podcast de Knuckles. Donc déjà, Knuckles, est-ce que tu es d'accord pour que je lance un petit défi à nos chers abonnés? Aucun souci. Fais donc. Merci bien. Donc, j'aimerais solliciter justement votre créativité, chers abonnés, pour que vous nous écriviez dans les commentaires le nom et un petit descriptif, justement, d'un genderbend, d'un d'entre nous. Celui que vous voulez, et on tirera au sort, et ce personnage, s'il nous plaît, apparaîtra dans un petit comics qu'on est en train de créer. Mais chut, faut pas le dire. Ah, pardon. C'est secret, personne le sait à part vous tous. Mais... Voilà, donc vraiment pas d'image, s'il vous plaît, juste un nom et un descriptif. Dans les commentaires. Voilà, exactement. Et nous, après, on choisira lequel nous plaît le plus. On peut en choisir, je pense, trois. Deux ou trois. On verra selon... Nous pourrons voir selon les différentes propositions qui sont faites. Merci, Blaze. Oui, donc amusez-vous. Et celui ou ceux qui nous plairont le plus, on les choisira pour ce fameux projet de comics. Mais elle tire. Bon, je suppose qu'on a fini avec cette petite rubrique. J'espère que j'ai pas trop débordé. Petite. Non, allez. Ça va. Mais t'inquiète. C'est tenu à cœur. Il faut bien faire plaisir à notre public, hein. Évidemment. Parce que je sais que cette rubrique fera beaucoup plaisir à nos chers fans, à nos fans, artistes, créateurs ou que sais-je. Voilà. Bisous à vous. Voilà, on vous aime très fort. Respect à tous les artistes et créateurs. Alors, j'ai un dernier sujet, bien sûr, la review jeu vidéo du jour. Et cette fois, Amy, tu peux rester là. Ah, oh, Parce que... Je peux rester là, oh oui. On part sur le seul jeu dans lequel j'ai peut-être trouvé mon égal. Ah, absolument trouvé une rivale. Je te bats assurément. T'as aucune chance. Elle a compris de quoi je parle. On va remonter dans l'univers du rétro gaming 2010. Pour faire comme les gens cool sur internet, monter dans le TARDIS, remontons en 2006, le jour de la sortie de la console Wii, et lancez votre meilleure partie de Wii Sport avec nous. Attention, générique. Donc je disais, le seul jeu où Amy est une grande rivale. Je suis une grande fan. Elle joue beaucoup trop à mon avis, mais ça c'est pas les tailles. Il faut bien le reconnaître, elle est douée. Oui. Elle est douée. Bah, après, c'est mon point de vue personnel, mais je trouve que Wii Sport est un jeu qui vieillit extrêmement bien. Comme beaucoup de jeux Wii. Hein. Bref, étant donné que j'ai quand même beaucoup parlé et qu'on va se répartir les tâches, dis-nous quels sont les sports que tu as préférés et pourquoi. Alors, les sports que j'ai préférés. Il y a le tennis, il y a le baseball et il y a la boxe, bien évidemment. Oh, dis-nous tout. Qu'est-ce que je peux dire ? Ce que j'aime bien, c'est surtout Déjà, quand j'ai commencé à y jouer, je trouvais que c'était... Je trouve que la Wii, ça a vraiment été une révolution pour Nintendo, en fait. Parce que la Wiimote, quelque chose comme la Wiimote, on n'avait jamais vu ça avant. C'est quelque chose qui était quand même... c'était très maniable déjà à son époque. C'était très très très réactif. Je sais que j'ai dit que je te laisserai du coup le bowling et le golf, mais pour le golf, tu dois faire quand même des gestes très précis. Oui. Et je trouve que bon, déjà le degré de précision pour la Wiimote à l'époque était quand même assez incroyable. Mais c'est aussi, je vais passer dans le domaine du blind friendly, c'est très accessible. Je veux dire, une personne non voyante ou malvoyante peut y jouer sans problème parce qu'il y a énormément de questions de timing, notamment pour le tennis. Si tu écoutes juste bien les patterns du son de la balle, tu peux frapper parfaitement. Après, tu peux effectivement pas faire gaffe et taper dans la mauvaise direction. Mais ça, c'est limite qu'un détail, quoi. Le baseball, c'est pareil, t'as juste à... littéralement, n'importe qui pourrait y jouer les yeux fermés, en fait. C'est vrai. C'est agréable à jouer. Ça a extrêmement bien vieilli. Et c'est le genre de jeu qui n'est pas prise de tête. C'est vrai. C'est agréable, juste. Voilà. C'est un jeu que je considère comme agréable. En fait, pour moi, c'est le jeu parfait familial. Oui. C'est le party game familial que tu fais. De tout ça, je pense qu'on peut avoir que tout le monde a un exemple de personne âgée qui joue pas forcément aux jeux vidéo, mais avec qui ils ont peut-être déjà joué à Wii Sport, par exemple. Même Vanilla, elle y a déjà joué une fois. Oui, j'y avais joué avec ma mère. Elle est très forte au golf. Oui. Voilà. Voilà. Après, moi, je préfère du tir à l'arc. Alors, c'était sur Wii Sport Resort. On en parlera tout à l'heure, si tu veux bien, Crime. Je te laisserai en parler si tu veux. Voilà, oui. C'est le tir à l'arc, c'est ton moment. Bref, pour la partie un peu plus, comment dire, technique. Enfin, pas vraiment technique, plus passionnée. Wii Sport fait partie des nombreux jeux Wii quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Donc, Wii Sport, Wii Sport Resort, Wii Party, Wii Music Up en dessous, Wii Vas-y encore, mais la Wii Pro. Ça c'est mon film préféré, pardon. Quoi ? Il y avait Wii Play aussi, je crois, mais ça c'était plus des petits mini-jeux. Wii Play, ouais, c'était des petits mini-jeux, ouais, mais c'était pas. Voilà. Ouais, mais Wii Music aussi était. Il y avait du billard. Wii Music aussi était pas fou, mais bref. Il était pas fou, mais il était très drôle. J'aime beaucoup la partie. Alors pour ça, il faut avoir une Wii Balance Board, donc ce que vous utilisez avec Wii Fit. Et avec ça, vous pouvez jouer à la batterie de façon un peu maladroite, mais c'était très drôle. Alors, si vous voulez avoir une belle analyse marrante de Wii Music, allez voir les vidéos de Savon. Mais pour l'instant, on reste sur voilà. Wii Sport. On va faire un épisode avec la Wii, je le sens. Alors, il faudrait que je retrouve la date d'anniversaire de la Wii, mais si on fait une émission spéciale pour la Wii, ouais. Alors moi je suis preneur. Bref, restons sur Wii Sport. Oui. Du coup, ouais, le jeu était offert avec la console, ce qui est déjà un plus énorme. Donc, on peut dire qu'il vaut son prix, dans tous les cas, il vaut son prix, il est gratuit. Je sais pas à combien il se revend seul, mais ça doit pas être au-delà de 20€. Je me suis jamais posé la question. Si, il me semble que la Wii en elle-même n'est plus qu'à 20€. Alors, je traîne souvent dans des petits magasins de revente et tout, et je vois des Wii à 20 ou 30€ ou des packs complets avec la planche Wii Wii Fit, deux manettes et la console à 40€ grand maximum. Wow. Donc oui, si vous voulez une Wii, c'est pas très cher du tout. Par contre, prévoyez un adaptateur Wii USB. HDMI, pardon. Sachant qu'en plus, avec la Wii, vous jouez pas que avec des jeux Wii. C'est vrai, il a les émulateurs de la Wii, comme pour la Switch, hein, évidemment. Et vous avez des émulateurs pour jouer à des jeux de 64, des jeux Super Nintendo, je crois, il y avait aussi, mais bref. Hein, tu peux faire ça sur la Wii? On peut jouer même à des jeux GameCube. Ah, GameCube aussi, ouais. Je jouais beaucoup à Super Mario 64 sur la Wii. Ah, mais ça bref. Veut dire que la fameuse rétrocompatibilité de la Switch, là, elle date pas d'hier. Exactement. Oh, elle est vicieuse. Même si sur la Switch, ils ont rajouté Game Boy, Game Boy Advance, Mega Drive, étonnamment. Mais bref, ça, c'est une autre histoire. Je pense qu'on va jamais parler de Wii Sport. Faut vraiment qu'on laisse des sujets de côté pour l'émission Wii, hein, parce que sinon on va tout dire maintenant. Ça va être un bordel. Wii Sport est la porte ouverte sur la Wii en général et résume bien déjà les capacités de base que tu peux avoir avec la Wii. Déjà la bonne maniabilité de la Wiimote, comme j'ai dit, la que ce soit la précision des mouvements ou après ça dépend de où est placé le capteur, mais même aujourd'hui ça marche encore très très bien. C'est surtout ça, en fait, la variété de gestes que tu peux faire avec la Wiimote, en fait, surtout là. Après, pour le reste, je pense que, du coup, ça prend en compte les autres jeux qui sont sortis après. Wii Play, qui est quelque chose d'un petit peu plus précis. Wii Music, t'as juste... Wii Music, c'est un peu n'importe quoi, d'accord. Et puis, bah, du coup, qui est sorti quelques années après, Wii Sport Resort, justement, avec... Le Wii Motion Plus. Un jeu à la Wiimote qui est le Wii Motion Plus qui, bah, je crois, est fait pour améliorer la sensibilité de la Wiimote, je crois. Bah, après, par exemple, pour des moments plus précis, plus nets, pour que ça soit un peu moins un cafouillis, quoi. Oui, bah après, remarque, tu le gardes parce qu'il est quand même, il a bien servi, je trouve. C'est vrai. Ah, bah, avec Monsieur Shadow, j'ai un accessoire de la Wii qui permet de tirer comme lui quand il fait. Ah. Oh oui. Bon, après il y a eu une ribambelle d'accessoires pour. Or il y a eu il y a eu un arc. Il me semble qu'il y a eu un arc. Bah oui, mais ça c'est plus pour de la customisation, ça. Le volant. Oui, voilà. Le volant. C'était plus pour Mario Kart Wii, ça. Mais pour tous les jeux qui ont servi ensuite, Wii Sport a été une vraie base pour tester la maniabilité de la console et de la manette. Parce que je pense que grâce à Wii Sport, on a pu avoir des jeux poussés. Avec le motion gaming. Donc on a eu grâce à ça Mario Kart Wii, on a eu du Mario Galaxy, on a eu je crois c'est Twilight Princess qui utilise la Wiimote pour faire des coups d'épée. Oui, je crois oui. On a eu un Punch-Out qui genre utilisait les manettes pour faire des vrais coups de poing comme le mini-jeu de boxe d'ailleurs. Bah justement, oui. Oh, pas seulement, je me souviens aussi d'un jeu, ça s'appelait le Chapeauté, et il utilisait très bien cette fonctionnalité. Oh, alors je n'ai pas joué à ce jeu, mais ça ne m'étonnerait pas. Ah, et puis. Le film Le Chapeauté, dans Shrek. Ah oui. Ah, et du coup, tu lui fais tenir des coups d'épée. Oui, t'avais plein de coups d'épée selon comment tu faisais. Ça utilisait la position de la manette, donc si tu faisais par exemple une pointe. Donc tu tiens la manette et tu l'envoies directement face au détecteur de la Wiimote et faire différentes actions. En effet, c'est de la bonne précision pour l'époque. Et dire qu'avec aujourd'hui, avec la Switch, nous avons juste droit à un simple 1-2 Switch et pour tout le reste... Y a Nintendo Switch Pro qui ont essayé de faire une sorte de remake à Wii Sport mais qui est moins bien. Déjà, il coûte 40 euros. Il coûte 40 euros alors que Wii Sport était gratuit. Bah, le bowling est bien, mais pour le reste. Bah, je ne joue que au bowling sur Switch Sport. Hein. C'est clair et net. Je ne joue qu'à ça. Franchement, je suis triste parce que, étant une grande fan de Wii Sport, j'étais très hypée pour la sortie de Nintendo Switch Sport, justement. Et voir à quel point, bah, justement, ce domaine d'accessibilité avait été réduit, c'était triste. Et, ouais, franchement. Je déborde, hein, mais je reviens justement. Oui. Avec 1-2 Switch, qui, je pense, est un jeu qui devrait être livré justement avec la Switch, parce que, encore une fois, ça montre les capacités de motion que tu peux faire avec la manette. À part ce jeu-là, tu n'as aucun, à ma connaissance, tu n'as aucun jeu qui reprend ce concept de motion avec la manette, alors que les vibrations, le retour haptique est hyper précis. Ben, il y a littéralement juste la suite de One Two Switch qui s'appelle Everybody Switch, je crois. Mais bon, ça reste comme One Two Switch, c'est un jeu pas ouf qui mérite juste d'être offert avec la console. Ça reste un parti. Oui, bah il aurait peut-être été mieux s'il avait, je pense, été livré directement. Ça aurait été le retour d'un bon party game, quoi. C'est ça. Et là, je pense que les gens l'auraient apprécié parce que juste, il serait dit, c'est pas un jeu incroyable, mais on s'amuse, il est offert, on va pas cracher dessus. C'est ce qui fait pour moi le succès de Wii Sport, d'ailleurs. À niveau graphisme, je sais pas. Ça fait longtemps que j'y ai pas joué. Je sais pas si. Moi, je considère qu'il est bien tel qu'il est. Mais après, niveau objectivement, est-ce qu'il a bien vieilli niveau graphisme? Wii Sport, oui, bon, on peut dire qu'il a assez bien vieilli. Enfin, pour l'époque, c'était un beau jeu quand même, parce que les Mi étaient quand même très bien représentés. Les mouvements, bien que des fois un peu aléatoires, très très bien retranscrits. Vraiment, niveau graphisme, c'est simpliste, mais on va pas en demander plus pour un jeu familial. Voilà, c'est un party game, on s'amuse, on est là. Vas-y, grand-père, joue! Voilà, c'est tout, on s'amuse! Je suis là à donner des patates à Knuckles! Et lui, il rage parce qu'il peut pas me taper pour de vrai! C'est interdit! Je suis déjà dit en plus d'une fois, non, Knuckles, tu ne tapes pas les gens avec la Wiimote! Pas trop le seul! Alors, d'ailleurs, j'ai pris des notes, hein. j'ai cassé 18 télés sur eSport! Ah, c'est parce que je suis en train de récupérer un paquet de rings! C'est pour ça que maintenant, le gouvernement de Styx est entêté, c'est à cause de moi. Et 47 postes de radio. Bon, je crois qu'on a tout dit parce que sinon on va encore y passer des heures. Oh, mais j'ai juste oublié de mentionner, bon, je sais qu'on s'éternise, mais j'avais promis à Krim qu'elle pourrait parler du tir à l'arc de Resort. On parle de Resort, maintenant. Oui, mais le tir à l'arc, j'avais adoré parce que tu pouvais tenir la Wiimote avec une audio à distance et il fallait être bien précis. Et en plus, pendant le jeu, il me semble que tu pouvais avoir du vent et là, t'avais la cible, elle bougeait partout. Ah oui. Oui. Ah oui. Ah, c'est bien, c'était, ça. C'était une galère, ce mini-jeu à l'époque. Oui, fallait avoir rester calme et... avoir une grande précision. Ah, ça veut dire que si t'as les mains qui tremblent un tout petit peu, c'est trop fort. Ah oui, j'ai perdu. Alors, je sais pas comment il fait, mais à chaque fois il mettait des 10. Alors, vous m'avez perdu à rester calme. Mais oui, c'est. Je pense que si vous savez vous calmer, c'est un très bon jeu, un très bon mini jeu. Pardon, excusez-moi. Pardon. Moi, j'aime pardon. Bien le frisbee. Oh oui, bon. On va pas parler longtemps de la gueule du petit chien. Voilà, mais le jeu était bien, mais pas le chien. Quoi. Alors, je prends très mal. Pourquoi ? Il ressemble à Knuckles ? Il a des oreilles en bas. Il a le visage plus rond que mon poing. Je crois que tu l'as vexé, Krim. Alors, chez vous. Cherchez le chien de Wii Sport Resort, vous comprendrez. Enfin, si vos yeux sont prêts pour ça. Oh, le moi, ils sont prêts, je vais aller voir ça. Bref, on va pas trop s'éterniser. Merci, Krim, pour ton petit passage pour le tir à l'arc. Jouez au jeu Wii Sport ou Wii Sport Resort, hein. Les deux sont fun. On parlera peut-être plus tard de Wii Party, parce que c'est aussi un très bon jeu. On verra bien selon mon bon vouloir. Je dirais que Wii Sport Resort a des jeux globalement plus techniques que Wii Sport, où là c'est moins grave si t'agites la manette de manière un petit peu aléatoire. Bah rien que pour le bowling, on a le fameux bowling à... C'était 1000... 100... C'était 100 ou 1000 qui? Dans lequel? Dans Wii Sport ou Resort? C'était 100 qui, il me semble. Dans Resort. Ah oui, je pense au... 100 qui! D'ailleurs, petite anecdote. Pour faire un track facilement... Vous faisiez rouler la boule sur la rampe. Il y a un petit bouton rouge au fond des deux rampes. D'ailleurs, les deux rampes, hein, vous faites gauche ou droite. Ça revient au même. Si vous êtes assez précis dans votre lancer et que la balle va bien au bout de la rampe, elle appuiera sur le bouton au bout. Ce qui fera une petite onde de choc et fera tomber toutes les quilles et ça fait un strike. Oh. C'est un petit secret que seuls les plus doués du jeu, dont moi, connaissent l'existence, mais... Oui, en gros, c'est un bouton strike. C'est un bouton, oui, c'est un bouton strike, mais il faut être très précis pour le faire. C'est parce que... sur Resort c'est, ben, c'était sur Resort. Ah, d'accord. Avec du coup le mode à 100 keys. Ah, d'accord, voilà. Donc si tu veux. Ok, d'accord. 100 keys, waouh. Bref. Ça me donne sur envie ce, de jouer. Je... on y jouera ensemble, j'ai des revanches à prendre. C'est quand tu veux. Oh là là, elle me cherche. Bref. Bref, sur ce, avant de lui mettre une énième pâtée. Père, sur Wii Sport Resort. Je pense qu'on en a fini pour ce podcast. Merci mesdames de m'avoir accompagné pour ce podcast spécial fille, même si bon j'étais là. Mais je suis une très belle fille aussi. Hein. Oui, on est désolé d'ailleurs à ce sujet-là. Il fait vraiment tâche dans cet enregistrement. Non mais oh, ça va, c'est mon podcast quand même. Oui. Et j'ai fait un effort, j'ai mis une robe. Avant de conclure, avant de conclure, on a un message à faire passer. Rouge, est-ce que tu as la cassette? Bien sûr. Voilà, on a une petite cassette ici qu'on va diffuser parce que notre ami Styx, justement, voulait faire passer un message. Dis-nous. Alors, on la met dans la fente. Voilà. Et c'est parti. Oui, dans la fente. Mes chers compatriotes. Ah, non, ça c'est pas moi, ça. Ah, voilà. Français, Françaises, c'est ainsi qu'aujourd'hui, je parle enfin à vous tous, devant vous. Mes projets sont grands, mes projets sont beaux, et surtout, ils sont pas chers. Mais surtout, il manque de financement, Madame Styx. Alors que le problème, c'est qu'avec vos dépenses un peu stupides, nous n'avons plus un rond. Mais bien sûr qu'on a des ronds, alors, mais l'État, on manque jamais d'argent. Alors, le fait est que... Non, en fait, on manque de rings. On a vraiment des économies de 3 rings pour l'instant. C'est pas gérable, Madame Six. Écoutez, j'ai une solution parfaite à ça. Vous n'avez qu'à diminuer le RSA et les allocations familiales. D'accord, je vais allez, en parler... Vous me rasez tout ça, toutes ces usines prestrochimiques, hein. Vous me les balayez, et à la place, vous me mettez des armes. Je vais en parler avec votre comité, et on appliquera tout ça dès que possible. Ça marche. Par contre, je compte sur vous pour continuer d'envoyer des avions de chasse à nos Ukrainiens. Bien sûr. Bien évidemment. Merci. Oh, bande de branle-couilles, j'ai des nouvelles. Bref, je pense que si on a tout dit, on peut juste vous demander de liker la vidéo, de vous abonner. Cliquez. Voilà. Cliquez, venez partager, commenter. Beaucoup d'amour à Yuri, s'il vous plaît. Bisous, Yuri. Bisous, Doudou. Bisous. Donnez-lui tout le respect et la considération qu'elle mérite, tout comme tous les acteurs qui, bien sûr, qui travaillent pour nous. Hein, littéralement, ils travaillent pour nous, les acteurs. Oui. Un peu de respect pour nos employés. Dit-il l'employé lui-même. Non, c'est moi le leader ici. Je suis votre leader, je vous domine, je vous dirige. bisous tout doux, abonnez-vous, Lego sponsorisez-nous et Sonic Team vous embrasse. Voilà, et au mois prochain, bisous tout doux. À bientôt. Bisous à tous. Et let's go, attention les yeux, les Sonic sont dans la place. Amy was Blazing Cream, on est là et on est back. C'est le petit qui n'a qu'à le savoir, ça fait tout beau. Le premier épisode où il se prend pas le marteau. Aujourd'hui dans ce podcast.